Une bonne affaire d'Hector Malot. Chapitre 1er. L'hôtel du Bœuf Couronné était en révolution. Le 17, ou plutôt, pour parler une langue moins abrégée, le voyageur qui occupait la chambre numéro 17 venait d'être rapporté dans un état désespéré. Sorti le matin, gai et dispos en apparence, on l'avait vu revenir 2 heures après, étendu sans connaissance sur un brancard, et il avait fallu le porter jusqu'à sa chambre. Dans l'escalier, sa tête ballante avait 2 fois heurté les marches de pierre sans qu'il poussât un cri ou fît un mouvement. Comme le brancard s'était arrêté devant la porte précisément à l'heure du déjeuner de la table d'hôte, cela avait produit une certaine émotion parmi les convives. On avait quitté la table pêle-mêle, et pendant que, la serviette à la main, la bouche pleine, on se pressait aux fenêtres, un voyageur de commerce s'était détaché du groupe pour aller examiner les mains du moribond, parce que si les pouces étaient tournés en dehors, c'était la comédie d'un pauvre diable, tandis que s'ils étaient tournés en dedans, c'était l'attaque d'épilepsie d'un honnête homme. Les pouces n'étant tournés ni en dehors ni en dedans, par cette raison que les mains n'étaient point fermées, on avait abandonné l'hypothèse de l'épilepsie pour celle de l'apoplexie, et discutant confusément, on était revenu à la table où 2 Anglaises, après avoir profité du brouhaha pour faire main basse sur tous les œufs à la coque, s'occupaient tranquillement à les casser et les brouiller dans leur verre. Le bureau de l'hôtel avait été instantanément envahi par toutes les commères du voisinage qui entouraient Madame Loutrel, la propriétaire du Bœuf Couronné, la pressaient de questions. Mais celle-ci, au lieu de répondre à cette curiosité impatiente, répétait machinalement un mot, toujours le même, « pourvu qu'il ne meure pas ». Elle mettait tant d'ardeur dans cette courte invocation qu'un nouvel arrivant demanda si le malade était un parent ou un ami intime, à quoi une fille de service, qui seule paraissait avoir gardé sa pleine raison dans cette catastrophe, répondit que c'était un voyageur arrivé la veille dans la soirée, que ce voyageur, qui s'était inscrit sur le livre de police sous le nom de Cérulas, chimiste, demeurant à Paris, était un homme de 50 à 70 ans, sans qu'il fût possible de mieux préciser, tant sa figure était ravagée et tourmentée, que dès le matin il s'était fait servir une tasse de café au lait qu'il n'avait pas bu, parce que, avait-il dit au garçon de salle, le café qu'on lui offrait était bon pour tanner le cuir du Bœuf Couronné, mais exécrable pour l'estomac d'un honnête Parisien. Qu'après cette algarade bien étrange chez un homme sensé, il était sorti, en se faisant indiquer la maison de M. le baron Hibert. Que 2 heures après, on l'avait rapporté sur un brancard, et c'était là ce qui tourmentait si fort madame, car en ce moment l'hôtel était plein de voyageurs, presque tous anglais, et les anglais étaient maintenant si bégueules qu'ils étaient capables de partir immédiatement s'il y avait un mort dans la maison. Mourrait-il, ne mourrait-il pas? C'était avec anxiété qu'on attendait l'arrêt du médecin, qui s'était enfermé dans la chambre du malade, après avoir mis tout le monde à la porte, le seul maître d'hôtel excepté. Cette attente dura plus d'une heure. Enfin le médecin apparut dans l'escalier, descendant lentement les marches sans se presser, malgré les 20 paires d'yeux fixés sur lui qui le tiraient en bas. D'un coup d'œil, Madame Loutrel vit dans l'attitude de son mari que le malade n'était pas perdu, et tout de suite, se tournant vers son cuisinier qui était déjà venu 4 fois demander le menu du dîner sans pouvoir obtenir de réponse, « Jean » cria-t-il joyeusement, « 3 tartes aux cerises, les Anglais ne partiront pas. » Elle ne s'était pas trompée, l'état du malade s'était en effet amélioré. Il avait repris connaissance. L'attaque, quoique violente, ne semblait pas devoir être suivie de paralysie. Alors il est sauvé. À cette exclamation, le médecin avait répondu qu'on ne pouvait pas se prononcer si vite, qu'on verrait après la période critique des accidents inflammatoires, c'est-à-dire dans 12 ou 15 jours, qu'en attendant, il fallait de grands soins, surtout du calme, du silence, une température fraîche dans une chambre obscure, qu'au surplus il enverrait une garde pour veiller à l'exécution de ses prescriptions. La curiosité satisfaite, chacun était rentré chez soi en discutant cet événement, et les maîtres du bœuf couronné étaient restés en tête à tête. « Est-ce que M. Cérulas avait des bagages ?» demanda Mme Loutrel en regardant son mari en face. « Un petit sac de nuit. Si tu allais lui causer, » continua Mme Loutrel. « J'y pensais, mais il est bien faible, bien abattu, et puis M. Gillet a recommandé le silence. Il nous la donne bonne avec son calme. Est-ce que, quand la garde sera installée auprès de lui, on pourra causer ?»« Dame, ma foi, tant pis, j'y monte. » C'était au premier étage que se trouvait le numéro 17. Une vraie chambre d'hôtel de province, large, haute de plafond avec quelques meubles çà et là, un lit à baldaquin, une commode rococo, un séchoir en sapin, quelques chaises en merisier. Avant de partir, le docteur Gillet avait clos les rideaux, mais ces rideaux, en indienne, devenus minces comme de la mousseline, et complètement décolorés par 15 ou 20 années d'exposition en plein soleil, adoucissaient à peine la lumière crue du midi. Étendu sur le lit, le buste élevé au moyen de plusieurs oreillers, le malade faisait entendre une sorte de ronflement auquel les médecins ont donné le nom de stertor. Bien que le visage portât l'empreinte de la stupeur qui se rencontre souvent chez les apoplectiques, il avait cependant un caractère de grandeur et d'énergie qui frappait le regard. Le front vaste couronné de cheveux blancs emmêlés, la figure sillonnée du haut en bas par deux rides larges et profondes que le travail et l'effort continu de l'intelligence avaient assurément creusées, disaient hautement qu'on avait là devant soi un homme qui n'était pas le premier venu. Mais en même temps, des vêtements posés sur la chaise, un pantalon échancré au talon, un habit noir blanchi aux coutures, un chapeau rougi et bossué, disaient tout aussi clairement que cet homme n'était pas un favori de la fortune. Si la tête était riche d'idées, la bourse, assurément, était pauvre d'argent. Au bruit que fit la serrure de la porte, le malade ouvrit les yeux, deux grands yeux jaunâtres, profondément enfoncés, sous des soupirs grisonnants, et il regarda vaguement devant lui. « Eh bien, monsieur, comment vous trouvez-vous maintenant ?» demanda le maître d'hôtel avec un sourire de satisfaction. Sans répondre, le malade agita faiblement sa main qui pendait hors le lit. « Oui, je comprends, » continua le maître d'hôtel, qui ne pouvait se méprendre sur la signification de ce geste. « Vous désirez qu'on ne vous trouble pas. Je le voudrais de tout mon cœur, je vous assure. Seulement j'aurai auparavant une petite demande à vous adresser, si vous le permettez. » La main s'agita de nouveau, répétant la prière qu'elle avait déjà faite, mais le maître d'hôtel, sans se laisser arrêter, feignit de prendre ce mouvement pour une autorisation de continuer, et il continua. « Savez-vous que vous avez eu une terrible attaque, monsieur ? Je peux bien vous dire cela maintenant qu'elle est finie. Le coup était rude. Heureusement, le danger est passé. Oh, tout à fait passé, vous pouvez m'en croire. S'il ne l'était pas, soyez convaincu que je ne vous parlerai pas de la demande que je suis, à mon grand regret, obligé de vous adresser. » M. Cérulas, qui jusque-là était resté immobile sur ses oreillers, tourna difficilement la tête vers le maître d'hôtel et fixa sur lui un regard impatient. « Laissez-moi tranquille. « Je vous prie, » dit-il d'une voix dolente. « Tout de suite, monsieur, il ne faut pas m'en vouloir si je ne vais pas plus vite. C'est que le sujet que nous avons à traiter est délicat et très difficile. Habituellement, les choses ne se passent point ainsi. Lorsqu'un malade arrive dans l'hôtel, il est généralement accompagné soit par sa femme, soit par ses enfants, soit par un domestique, et alors les communications qu'on peut avoir à lui faire s'adresse tout naturellement à cette personne. Cela se comprend, n'est-il pas vrai? Tandis que pour vous, monsieur, c'est autre chose. Vous êtes seul et je suis forcé de m'entretenir avec vous. De quoi s'agit-il? Dites, finissons. J'espère, monsieur, qu'en entrant au bœuf couronné, vous avez remarqué l'ordre et la tenue de la maison. J'ai pris, il y a 6 ans, une auberge de petite ville, et je me flatte d'en avoir fait un hôtel de première classe. Mettez la main à la tête de votre lit. vous trouverez le bouton d'une sonnette électrique. C'est un détail, je le sais, mais il a son importance. Tout est sur ce pied. Je crois pouvoir le dire, même en parlant de moi. Le succès a récompensé mes efforts. Le bœuf couronné est aujourd'hui fréquenté par la meilleure société, notamment par les Anglais, qui s'y donnent rendez-vous. Parlez du bœuf couronné à n'importe qui et tout le monde vous dira que c'est un des 4 ou 5 bons hôtels de France. Cela, n'est-il pas vrai, m'impose des obligations. J'espère que cela sera compris de monsieur, qui est une personne distinguée, on le voit de reste. Grand industriel, peut-être. Le malade ne répondit pas. Enfin, dans tous les cas, quelqu'un de comme il faut. Alors, si monsieur admet, comme je le pense, que je viens de lui expliquer, il doit sentir quel est l'objet de ma communication. Cérulas avait écouté ces paroles entortillées avec des mouvements d'impatience et des soubresauts nerveux. À ces derniers mots, il ne put pas se contenir. « Dites donc vite ce que vous voulez !» s'écria-t-il. « Et par grâce, laissez-moi en repos !»« Ah, monsieur, je vous en prie, ne vous emportez pas. Le docteur a surtout recommandé le calme. Vous me faites mourir !»« Non, monsieur, vous ne pensez pas cela. Mais je ne vous en veux pas. C'est la maladie qui a prononcé ce mot. Cependant, puisque vous parlez le premier de mourir, parlons-en peu ensemble. Cela n'engage à rien, n'est-ce pas? Pas plus que de faire son testament. Eh bien, si par extraordinaire. Notez que ce serait tout à fait extraordinaire, mais enfin, tout est possible. Et par suite, tout doit être prévu. Si par extraordinaire, ce que vous prévoyez se réalisait, je vous serais obligé de me faire savoir présentement vos intentions. Mes intentions? Le maître d'hôtel eut un geste de mauvaise humeur. Il était pénible pour lui d'avoir affaire à un esprit si lourd. Il reprit. Alors, monsieur n'a jamais perdu un parent, un ami qui serait mort dans un hôtel. Cela m'explique l'étonnement de monsieur. Pourtant, bien que ce cas ne se soit pas présenté pour monsieur, il doit lui être facile de comprendre que c'est là un événement bien préjudiciable pour le maître d'hôtel. Une supposition n'a jamais fait de mal à personne, n'est-il pas vrai? Eh bien, que monsieur suppose qu'il lui arrive un malheur ici. Sans doute cela n'est pas probable, mais enfin cela peut arriver. Nous sommes tous mortels et quand nous sommes malades, nous avons encore plus de chances contre nous. Si ce malheur arrivait, calculez un peu en imagination ce qui se produirait. D'abord, tous les étrangers qui sont en ce moment logés dans l'hôtel partiraient. Monsieur ne saurait croire combien les Anglais sont difficiles aujourd'hui. Cela, je le sais bien, n'est pas appréciable en argent et ce serait une perte irréparable pour moi. Aussi, je n'en parle que pour mémoire. Mais combien d'autres? Vous êtes mort, n'est-ce pas, là, dans cette chambre, sur ce lit? Alors, c'est le mobilier complet qu'il faut renouveler. Sans parler des tentures que les gens des pompes funèbres accrochent dans le vestibule, des clous qu'ils cognent partout. Aussi, je crois qu'en demandant à monsieur une somme de 1 000 francs, pour le cas où ce désagrément arriverait, je ne suis pas trop exigeant. Au reste, je me rapporte à la justice de monsieur. Il fallait que le maître d'hôtel fût véritablement absorbé par l'embarras d'expliquer sa demande pour n'être point frappé de l'effet que produisaient ses paroles. Mais à cette conclusion aussi difficultueusement amenée, Cérulas éclata. Progressivement et par de lents efforts, il était parvenu à se soulever sur un bras. Comme si la force lui était revenue, il se dressa brusquement sur son séant et montrant la porte. « Sortez !» cria-t-il. Le geste fut si énergique que le maître d'hôtel recula de 2 ou 3 pas. Mais ce ne fut qu'un mouvement instinctif, et il revint aussitôt. « Ne vous emportez pas, je vous donne ma parole d'honneur que j'y perds encore, et que 1 000 francs n'est pas payé. Le tapis seul a coûté 500 francs, les matelas sont en laine de première qualité. » Le bras qui était resté tendu vers la porte s'abaissa, et Cérulas se laissa retomber sur son oreiller en faisant entendre un éclat de rire nerveux. Un moment déconcerté, Le maître d'hôtel reprit vite son aplomb. « Allons, » dit-il en souriant, « c'est une affaire arrangée, n'est-ce pas ? Je vais aller préparer un reçu de 1 000 francs, par lequel je m'engagerai en même temps à restituer cette somme à monsieur si, comme je l'espère bien, son accident se termine par une heureuse guérison. » Mais avant qu'il eût fait 3 pas vers la porte, Cérulas l'arrêta. « Au lieu de préparer un reçu, » dit-il, « préparez le brancard sur lequel on m'a ramené ici et faites-moi porter à l'hospice. » À ce mot, l'hospice, le maître d'hôtel, poussa les hauts cris. Se faire transporter à l'hospice plutôt que de payer 1 000 francs n'était pas d'un homme raisonnable, surtout quand ces 1 000 francs ne devaient être payés que par des héritiers. D'ailleurs, si 1 000 francs étaient une trop grosse somme, on pouvait s'entendre et la réduire à 800 francs, à 600 francs, même à 500, ce qui était bien peu de chose. Malgré cet esprit de conciliation, tout arrangement fut impossible. Cérulas déclarant qu'il voulait être transporté à l'hospice et ne pas rester 1 heure de plus au bœuf couronné. Cette volonté, nettement formulée et répétée à plusieurs reprises, jeta le maître d'hôtel dans une désagréable perplexité. Car si, d'un côté, il était bien aise d'être débarrassé d'un malade qui, mourant chez lui, allait lui causer des ennuis de toutes sortes, d'un autre, il n'osait s'exposer à la médisance de ses concurrents et de ses envieux, qui ne manqueraient pas de dire et de crier haut qu'il avait mis sans pitié un moribond à la porte. Dans cette irrésolution pénible, il voulut risquer une dernière tentative. « Si c'est le versement de l'argent comptant qui vous gêne, dit-il, je me contenterai de l'engagement d'une personne de la ville. Vous avez sans doute ici quelqu'un de connaissance, monsieur le baron Hibert. Je vous répète de me faire porter à l'hospice. Monsieur Cérulas, professeur au collège, n'est-il pas de votre famille ? Cérulas ? Quel âge a ce monsieur Cérulas, qui est professeur ? 24 ou 25 ans ? 25 ans. Savez-vous si son nom de baptême est Pascal ? Oui, monsieur. Mon neveu, quand il parle de lui, l'appelle toujours monsieur Pascal. Il y eut un moment de silence et le malade soupira à 2 reprises profondément, puis se soulevant un peu. « Rendez-moi le service d'envoyer chercher monsieur Pascal Cérulas immédiatement, je vous prie, et soyez tranquille pour votre mobilier. S'il veut savoir qui le demande, que devra-t-on répondre ? On répondra que c'est son père mourant. Non, pas mourant, mais malade. Vous entendez ? Bien malade. »